buono quel giorno. Ti lavi il microfilm, squarci la flasche. Ci fa tu promessa, ma te lo presti. Je prends à tes appels, tu peux jouer la feste. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai show. Trop tard, trop tard, t'es trop loin, pourquoi? Trop tard, trop tard. Trop tard, trop tard, trop loin, pourquoi? Trop tard.